Majorité sexuelle dans ce pays est à 16 ans, pas en dessous. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La réunion a débuté à 9h ce matin. Syndicats et direction d'ING se voient pour la première fois depuis l'annonce de plus de 3000 licenciements de la part de la banque. C'est aujourd'hui le premier rendez-vous de la phase 1 de la procédure Renault. Les représentants des travailleurs peuvent poser toutes leurs questions et avoir des éclaircissements de la part de la direction sur la restructuration. Ils se sont quittés sans accord à 6h ce matin. Après quelques petites heures de sommeil, les principaux ministres du gouvernement fédéral doivent se revoir dès maintenant. Objectif, trouver 3 milliards d'euros pour boucler le budget. La fumée blanche est attendue pour demain matin, jour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Charles Michel. Première audience aujourd'hui également concernant l'action collective intentée par Testachat contre Volkswagen et Dieteren. Elle est programmée devant le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles. Les parties doivent plaider la recevabilité de l'action collective. Volkswagen et Dieteren ont toutefois demandé un report de l'audience. Le tribunal se prononcera à midi. Cette action de Testachat vise la tricherie anti-pollution de VW. Un migrant d'origine d'Érythrée décédé hier soir des suites de ses blessures. Il avait été percuté quelques heures auparavant avec sa compagne par un automobiliste britannique sur une autoroute près de Calais dans le nord de la France où sont concentrés plusieurs milliers de réfugiés. Sa compagne d'une trentaine d'années légèrement blessée a été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. L'accident s'est produit vers 20h30 hier soir sur l'autoroute A16 reliant la Belgique à Calais alors que plusieurs réfugiés tentaient d'ériger des barrages pour ralentir la circulation et essayer de se cacher dans des camions en partance pour la Grande-Bretagne. Il s'agit du 14e décès d'un migrant à Calais et dans ses environs depuis le début de cette année. En tennis, il a été battu en finale à Tokyo hier matin, mais il gagne 2 places au classement ATP publié ce lundi. David Goffin passe de la 14e à la 12e place mondiale à un rang de son meilleur classement. Un coup d'œil également sur le ciel pour ce début de semaine. Quelques nuages, des averses possibles ce lundi sur le centre, mais surtout à la côte. 9 à 14 degrés, le temps va devenir de plus en plus sec au fil des heures. Un point RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, toujours des ralentissements sur le ring, mais cela va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux que ce matin, c'est vrai. Suite à un accident qu'on avait eu tôt dans la matinée, on avait eu pas mal de fils. Ça commence à se résorber vraiment. Circulation extérieure, quelques ralentissements entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem. Circulation intérieure entre Grand Bigard et Zelik, toujours vers Zaventem. Dans le centre-ville de Bruxelles, ça coince encore dans le tunnel cinquantenaire jusqu'au tunnel Loi en direction du centre. Et puis deux radars ont été signalés, le premier sur le 25 Bastogne-Liège entre Tille et Chéné en direction de Liège. Second radar sur la Nationale 63, Marchand-Famène et Liège, la route du Condre entre Broncel et Nandrin. Et là, c'est en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle matinée à l'écoute de Vivacité. Tout de suite, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvo et toute son équipe. Merci David, retour de l'info à midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien, vous avez passé un bon week-end. Oui. Vous êtes prêts pour une semaine de folie. Oui. Et 2 heures intenses avec Jean-Christophe notamment qui a décidé de consommer local parce que c'est possible. Vous vous êtes baladé dans des magasins qui ne proposent que des produits locaux chez nous. Quasi du 100% belge, donc j'ai voulu savoir si c'était possible de manger belge et de s'habiller belge, de vivre belge. Et possible ? En partie. Pas complètement, mais en partie, c'est déjà ça. Dans le journal de la Conso Aurore, on parlera des marques distributeurs. Oui, qui remportent de plus en plus de succès. Donc, ce sont les marques de la chaîne de magasins dans laquelle vous allez. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Aurore, ça t'en dit quoi? Mais non, j'en sais rien. Et puis, nous sommes le 10 octobre. Bientôt la Toussaint. Sans transition, nous allons parler donc de succession, on ne sait jamais. Évidemment, bah écoutez, il faut la préparer avant de mourir, évidemment, parce que sinon c'est un lourd problème pour les héritiers, ils doivent payer bien cher. Et on va se faire aider de notre notaire préféré, Marc Van Beneden, qui nous rejoindra tout à l'heure. On attend d'ailleurs vos questions en matière de succession sur la page Facebook de l'émission. Oui, et c'est succession de manière très large. Hein. Donc si vous posez des questions sur les testaments, sur ce qu'il faut prévoir pour bien, pour que la succession se passe bien, eh bien dites-le nous sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes, ou envoyer un mail, l'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Côté musique, il y aura Kid Noise. Kid Noise avec Ocean dans la programmation musicale, on a mis aussi du Kenji. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Avec le cœur éléphant. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Ce week-end, on vous proposait de voir ou de revoir la séquence sur les enfants avec Carlo, qui il a réussi à leur faire manger des abats. Oui. Ça, vous avez laissé pas mal de commentaires, effectivement. Mais oui, comme Laurence qui nous écrit « Les miens d'enfants aiment ça. Depuis tout petit, ils en mangent. Certains disent « Si tu en manges en étant enceinte, ils reconnaissent le goût. » Pas sûr. Et si tu écoutes le groupe ABBA quand t'es enceinte, tes enfants vont manger... Ils chantent tous « Mamma Mia » après. D'accord, bien sûr. Alors Geneviève, elle nous écrit « Dans le sud de la France, ils mangent cela sans problème. Ils sont habitués depuis le plus jeune âge. » Louise écrit « Ma petite fille adore le foie de sanglier et pas d'autres. » Les testicules sont également délicieux, bien nettoyés, préparés. Profitez de la période de la chasse pour découvrir et déguster des plats particuliers, mais délicieux. Alors, le foie de sanglier, d'accord, c'est précis, mais les testicules de quoi ? Mais je ne sais pas. Mais ce serait bien de préciser l'animal. Peut-être parce que de sanglier aussi. On ne va pas se jeter sur tous les testicules pour goûter des trucs. Non. Il faut préciser quand même. Oui. Voir comment on les cuisine aussi. Et oui, et puis Angélique nous dit comme quoi, parfois, si c'est bien cuisiné, ça passe. Ouais, mais non, même bien cuisiné... On en a goûté dans cette émission il y a quelques années. Hein. Samy était venu avec des abats en tous sens. C'est particulier quand même. Ah, vous êtes difficile. Ah oui, non, mais j'avoue que c'est... Mais si on ne le sait pas... Non, mais tu aimes ou tu n'aimes pas ce genre de choses. On est d'accord. Là, en l'occurrence, tu as compris, moi. Oui, ça, on a bien compris. Bon. Autre sujet sur lequel vous avez réagi ce week-end, celui des croisières avec des prix plus bas pour... pour le voyage, mais on peut vite grimper hein, une fois qu'on est à bord. Bah, ça tombe bien, Jean-Christophe autour de la table, c'est lui qui est tout le monde. Et j'ai vu tous les commentaires sur Facebook. Et il y en a eu quelques-uns. Hein. Bah oui, comme par exemple celui de Tiffany qui nous dit qu'il ne faut pas forcément un portefeuille bien rempli. Il suffit de tomber sur des prix promo pour les mêmes chambres et de gérer son budget à bord. Si on boit peu, le forfait ne servira à rien, mais si on boit beaucoup, le forfait plus avantageux. Pour moi, c'est à refaire. Charlotte a déjà fait 2 croisières MSC et ce n'est pas du tout la ruine selon elle. Des prix promo, quasi rien dépensé à bord. J'ai adoré. Et puis, il y a ceux qui sont contre, mais là, c'est presque un autre débat. Hein. Serge nous dit, j'ai vu un documentaire sur l'exploitation du personnel dans ces croisières et rien que pour ça, je n'en ferai jamais. Et puis, Chantal, je ne paye pas pour aller dans ces buildings Luna Park qui détruisent notamment la lagune de Venise. Mais c'est difficile de ne rien consommer quand on a l'intérieur, Jean-Christophe. C'est tout fait pour qu'on dépense. C'est fait pour qu'on dépense, mais il y a moyen de rester sage, hein, franchement. Combien de bars dans le bateau que vous avez visité qui avait 17, fait escale à 17 bars. 17 bars. Ouais. Donc voilà, c'est forcément. Et ils sont beaux en plus. Ah oui, et ça donne envie. Et c'est vrai qu'un forfait boisson à 26 euros, ma foi, si je devais y aller, je me laisserais tenter. Hein. 26 euros par jour, tout à volonté. Mais il faut en profiter. On termine avec des commentaires sur le burger pizza. On a testé le burger pizza du célèbre médecin pizzaïolo, là, le docteur Rutger. Et ben ça vous a fait réagir aussi, ça. Mais oui, Jennifer nous dit que ce n'est pas bon du tout, même en respectant les instructions d'utilisation. Et puis Amandine nous donne son alternative. On récupère son vieux pain s'il est sec. Beurre, d'ail, jambon, tomates fraîches en tranches, du brie, un petit peu d'origan. On passe au four 10 à 15 minutes. Un délice. C'est ce que Carlo avait conseillé, effectivement. Si vous restez un morceau de pain, c'est beaucoup plus simple que de payer cher et vilain pour un truc, finalement, qui n'est pas trop trop bon. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Mais sur Facebook, ce soir, aujourd'hui, on attend. Je vais un peu vite en besogne, il me semble. On attend vos questions concernant la succession, parce qu'on a notre notaire Marc Van Beneden qui arrive, et on a besoin de vos questions pour faire l'émission. Oui, si vous vous posez des questions pour que la succession se passe bien, des questions sur... Comment accélérer la succession, si peut-être. Testament, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on peut déshériter des enfants? Et quand quelqu'un meurt mais qu'il a plein de dettes, est-ce qu'on a l'obligation d'accepter la succession? Comment faire pour... Enfin, voilà, il y a plein de choses très pratiques. Et on donnera des trucs et astuces aussi pour accélérer peut-être des successions. Oui, et surtout pour moi, payer les droits de succession. Ça fait mal. Bon, dites-nous tout ça par mail, pigeonpluriel@rtbf.be, sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. On va chanter avec Travis dans un instant, et puis nous nous intéresserons au commerce local. Qu'on consomme local. Locaux. Non, mais on va consommer local dans des commerces locaux. Voilà, ou régionaux. Régional. Bon, écoute, après. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. En télé sur la Une. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar-Belgique, ce lundi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. voir conditions en magasin. Stellemans. OLED. LED. Electro. Hi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. En 2001 sur Vivacité, le titre Sing. On n'est pas des pigeons. Il est 11h18, c'est l'heure de la mondialisation. Enfin, ça fait déjà un bout de temps que c'est l'heure de la mondialisation. Et à cette heure de la mondialisation, il est bon de revenir aux valeurs essentielles, aux valeurs locales. Oui, hein. Plusieurs magasins nous proposent aujourd'hui des produits 100% belges. C'est comme ça qu'ils le vendent, Jean-Christophe. Mm-hmm. Vous en avez visité 3. Il y a les magasins, est-ce qu'on peut déjà appeler ça une chaîne à partir du moment où il y en a 2? Ouais, c'est un début de chaîne. mini. Hein, alors. D'ici, c'est le nom. Voilà. Il y en a à Anu et Nadine. Il y a Belgomarkt à XL et Watitude à Liège. Voilà, c'est ceux qu'on a visités. Mais il y a un petit nouveau depuis ce week-end, vous avez peut-être entendu aux infos, c'est Copeco. Et c'est à Mont-sur-Marchienne, à Marchienne au Pont, pardon. Et c'est dans le même principe. Donc c'est du circuit court, c'est-à-dire que c'est directement du producteur au consommateur avec très peu d'intermédiaires. En l'occurrence, ici, l'intermédiaire, c'est la coopérative chez Copeco. Donc il prend un petit bénéfice, mais juste pour faire fonctionner le magasin, donc c'est pas à but lucratif. Il y a quoi alors dans ce magasin? S'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire si on veut acheter un steak, il y a la vache qui est directement dans le magasin s'il n'y a pas d'intermédiaire? Presque. D'accord. Donc ce type de magasin fonctionne toujours de la même façon. Donc on va démarcher d'abord des producteurs locaux pour la plupart, ou belges dans le cas de Belgomarkt, par exemple, puisque Bellegomarkt est installé à Ixelles, et donc forcément à Ixelles, il y a peu d'élevage bovin, puisque vous parlez des bœufs. Certes. Donc, on démarche des producteurs qui ont une certaine manière de travailler. Donc, pour Bellegomarkt, par exemple, c'est beaucoup de bio. 85% de ce qu'on trouve dans le magasin, c'est du bio. Les producteurs adhèrent ou non, et puis ils fournissent alors leur viande, dans le cas de la viande, mais aussi tout ce qu'on peut imaginer. Donc, du fromage, des fruits et légumes, un peu de tout, des produits aussi qui ont été transformés. Donc, il y a des croquettes aux crevettes, des choses comme ça, par exemple, du poisson, directement dans le magasin. Donc, ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres magasins. Ce sont des marques qu'on ne trouve pas et que l'acheteur ne connaît pas nécessairement, puisque ça vient de petits producteurs. Systématiquement, ces magasins sont bio, vous dites? Non, non, ils ne sont pas tous bio. Chez DC, par exemple, ce n'est pas nécessairement bio. Mm-hmm. Il peut y avoir du bio, mais ce n'est pas ça qu'on recherche principalement. Il y a des différences dans les magasins qu'on a visités. Chez Bellegomarkt, donc, c'est plutôt belge. Il y a même du poisson donc, pêché en mer du Nord. Donc, c'est vraiment la grande Belgique. Chez DC, c'est plus des producteurs locaux qu'on trouve aux alentours. Donc d'ici, il y a deux magasins, un à Nanine et un à Anu, et on ne trouve pas la même chose dans les deux magasins. D'accord. Donc il y a des références communes, mais il y a aussi des spécificités pour chaque magasin. Donc à Anu, on va trouver des producteurs laitiers du coin, tandis qu'à Nanine, on en aura d'autres. Mais peut-on tout manger en circuit court? Peut-on tout manger en produisant local? Si alors je veux des bananes, pense que par oui. exemple, je fais quoi? Alors chez DC, par exemple, ça c'est une des exceptions. Chez DC, ils ont des bananes, ils ont des oranges, parce que la ménagère, la personne qui vient chercher qui vient faire ses courses a envie de ça, il ne passe pas à côté. Chez Bellegomarkt, ce n'est pas le cas. Chez Bellegomarkt, vous avez 100% de produits belges. Et alors, on est allé encore un peu plus loin, mais là, on n'est plus dans l'alimentation. On est allé chez Watitude à Liège, où là, c'est une créatrice qui a développé son magasin avec uniquement des produits wallons. Donc là, on est vraiment dans le régional. Il y a quelques produits bruxellois, mais c'est tout. On ne va même pas en Flandre. Et là, il y a des produits de bouche, bien entendu, de la bière, puisqu'on en trouve partout, des microbrasseries. Mais on trouve aussi beaucoup de décorations, beaucoup d'artisans qui expose là-bas, et donc il y a moyen d'avoir des bijoux, des vêtements, de la déco d'intérieur, etc. On peut presque tout acheter, quoi. On peut presque tout acheter, sauf que vous ne trouverez jamais, par exemple, du dentifrice. D'accord. On n'en fait pas chez nous. Vous ne trouverez jamais des peignes, des brosses, des choses comme ça. Donc tout ce qui est alimentaire, là on peut trouver. Quelques produits d'entretien aussi pour tout ce qui est des supermarchés dont je vous ai parlé. Et alors tout ce qui est artisanat et décoration, ça c'est plus spécifique. Annie. Et tous ces produits-là, ça coûte plus cher que si on les achète dans une grande surface? Alors c'est vraiment, vraiment difficile à dire, parce que j'ai un peu regardé les prix, mais sans avoir de prix de référence, c'est difficile à dire si les pommes sont plus chères ou pas, parce qu'ils font des produits de saison aussi. Donc quand c'est la période des pommes, forcément il y en a beaucoup, et donc elles sont un peu moins chères. En plein mois de janvier-février, il n'y aura plus de pommes, parce que c'est plus la saison, donc ils n'en proposeront pas dans les magasins. D'accord. Par contre, on trouve des choses complètement différentes. Et donc moi j'ai acheté du saucisson de Florentville, c'était une tuerie ce machin, délicieux, mais j'ai pas de prix de référence, puisqu'on peut pas comparer ça avec du saucisson tout venant, ou même du Marcassou qui reste du saucisson belge mais fait en grande quantité. Donc c'est pas du tout le même goût, mais c'est pas du tout le même prix non plus. Donc clairement, si on achète tous ces produits dans un magasin comme celui-là, on en aura pour un peu plus cher que si on va dans un magasin traditionnel, mais c'est pas du tout la même chose, donc c'est pas comparable. On va goûter le saucisson maintenant, il est où? Je l'ai tout mangé. Bravo, c'est pas sympa. Donc, vivre 100%, en achetant 100% belge, C'est possible de se nourrir. C'est possible de se décorer sa maison, un petit peu s'habiller, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. On voit ça ce soir à la télé à partir de 18h30. On va mettre Kid Noise dans la radio, et puis dans le journal de la Conso, on parle de quoi? On va parler de plein de choses, des grands magasins justement. On revient avec les produits des grands magasins, les marques distributeurs qui ont de plus en plus de succès. Dans 7 minutes. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. La 2 en télé. Mais que se passe-t-il dans la tête de nos enfants? J'en ai marre. Des psys ont filmé et observé les réactions des bambins. Avec cette expérience unique, ce qui peut surprendre, c'est qu'on voit quand même que l'enfant à 4 ans, il passe par un nombre d'émotions incroyables. La vie secrète de nos enfants de 4 ans, mercredi soir sur la 2. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue, 736 74 36. Carglass répare, Carglass

Voilà, ça c'est fait, il est 11h28. C'est remarqué qu'on ne dit rien. Mais non, mais ça s'appelle faire un bide en fait. On mais vous laisse tout seul. C'est avec qu'on réfléchit à ce que vous avez dit. J'ai tellement la. Ah oui, donc c'est. Ah, voilà. Mes blagues sont si intellectuelles que ça. Ou alors vous avez vraiment du mal à ce point-là à suivre c'est mes pas blagues. Le bon jour aujourd'hui. Ah ben écoutez, dans l'ADH, aujourd'hui, on parle du succès des marques distributeurs, à savoir les marques propres aux grands magasins. Mais oui, elles représentent un peu plus de 35% des ventes dans les grandes surfaces de manière générale. Si par contre on regarde dans le détail, pour les produits frais, eh bien ça monte jusqu'à 2/3 des ventes et ça représente la moitié des ventes pour les pains et les produits surgelés, donc ça fonctionne très bien. Alors au niveau des prix, bah, seul Deleuze répond à la question dans l'article avec les produits de la marque au Lyon parfois jusqu'à 40% moins chers que les marques traditionnelles. Pour ce qui est de la qualité, l'ADH nous dit que ce sont aussi des produits de grande qualité, voire supérieurs pour certains articles, comme les chocolats qui présente une plus grande quantité de cacao que les marques des produits fabriqués avec des arômes naturels, alors que les marques utilisent des artificiels. Et des fois, il y a des trucs qui sont exactement les mêmes hein, en marque distributeur et en marque de marque. Ça, bah, c'est souvent produit par, ben, par la les même chose. Mêmes. C'est mêmes juste, aussi, c'est juste voilà. Emballage qui, ouais. Qui change. Dans la presse du jour, on parle aussi des voitures de location en vacances. Oui, avec ce chiffre, un Belge sur 4 loue une voiture en vacances. C'est une agence de location de voitures qui a commandé l'étude. Donc voilà. Et selon donc cette étude, 72% des clients se disaient prêts à recommencer l'expérience puisqu'elle offre liberté et flexibilité. Alors ce qui coince, eh bien, sont les contrats de location qui ne sont pas toujours transparents et puis les éventuels frais supplémentaires. Les clients estiment souvent que le contrat n'est pas très clair sur les tarifs et à ce propos, eh bien, il faut être attentif aux tarifs très avantageux, qui cache souvent une franchise exorbitante. Elle peut aller jusqu'à 1 200 €. On ne le répétera donc jamais assez, comparez bien tout. Souvent, il vaut mieux prendre une assurance complémentaire qui fait un petit peu augmenter le prix de base, mais qui diminue, voire qui supprime carrément la franchise. En même temps, la franchise, si rien ne se passe, tu la récupères. Mais s'il se passe quelque chose, c'est dans ce pas. Cas-là. Oui, voilà. Imaginez un petit accident, une griffe, et vous avez 1 200 € de franchise. Paf le chien. Voilà. En parlant de voiture, Testachat lance des procédures individuelles contre VW. Oui, c'est la suite du scandale des logiciels truqués installés sur certains véhicules du groupe. L'association des consommateurs Testachat donc était déjà à l'origine d'une action collective, mais elle ne concernait que les propriétaires des véhicules achetés après le 1er septembre 2014. Or, Testachat estime que les propriétaires qui ont acheté un véhicule avec le logiciel truqué, bien évidemment, avant cette date, ont aussi droit à des indemnités. Une citation pour des procédures individuelles a donc été signifiée au groupe VW et Testachat représentera ses consommateurs, mais de manière individuelle. C'était dans la presse du jour, juste après. C'est Jean-Jacques Goldman avec le titre « Juste après ». Et puis « Juste après, juste après », on s'intéresse aux successions avec plein de questions qui arrivent sur la page Facebook et le notaire Marc Van Beneden qui va nous rejoindre. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends. Quoi ? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar-Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 € avec un abonnement Smart plus Fold 20. Proximus, infiniment proche. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes.

Eh ben voilà. Bonne question. Non mais maintenant que vous savez cette histoire, on écoutera la chanson après, différemment. Tapez juste après et allez voir le clip sur YouTube par exemple. C'est super émouvant ce truc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On n'est pas des pigeons. C'est parce que je suis ému aussi. Parce qu'il y a Marc Van Beneden qui vient Moi, je respire. Vous êtes notaire, vous respirez bien, mais on va s'intéresser à ceux qui ne respirent plus. Mais il y a une chanson de Goldman sur les notaires. C'est vrai ? Oui, je vous D'accord. la ferai. Je viendrai, c'est je viendrai avec le CD. Oui, on va vrai. S'intéresser aux successions. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que là, tout ça, un peu. J'en sais rien, ça, finalement. Parce que ça intéresse tout le monde, les successions, Annie. Eh bien oui, parce que d'abord, ça peut emmener tout le monde, comme mais on oui, dit. Mais oui, s'il y a une chose où on est sûr dans la vie, c'est oui, de mourir. Ça fait mourir. Et le problème, c'est que quand on est héritier et que rien n'a été préparé, je peux vous dire que c'est la galère, on paye beaucoup d'argent. Et donc, il y a des trucs qui existent pour essayer de diminuer le montant des droits de succession, ça c'est déjà une chose. Et puis on est un petit peu perdu parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Est-ce que, par exemple, j'ai l'obligation ? Est-ce que c'est obligatoire ou non de faire un testament ? Est-ce que les héritiers comme ça, c'est qui après tout ? Est-ce qu'on peut déshériter comme ça son enfant parce qu'on s'est en guirlandais avec lui ? Alors, il y a des questions ici, oui, par exemple. Oui, on vous a demandé si vous aviez des questions, vous les postez sur Facebook. On va en lire une première. On commence avec les gens qui ne s'aiment pas. Oui, avec Laurence qui se demande si en cas de décès d'un de ses parents, elle est obligée d'intervenir pour les frais d'endettement, en sachant que je n'accepterai aucune succession. Les frais d'enterrement. En frais d'enterrement, d'accord. Donc, non, elle ne doit pas payer les frais de funérailles puisqu'elle renonce à la succession. Donc, elle ne va rien toucher, mais elle n'aura rien payé. Okay. Et donc, c'est la crainte des gens qui renoncent à la succession, c'est de devoir éventuellement plus payer que ce qu'ils reçoivent. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Qui va payer l'enterrement ? Eh bien, à ce moment-là, il faut faire attention. Je renonce, mes enfants deviennent les héritiers. Et ainsi de suite. Et okay, on remonte, je crois, de mémoire jusqu'au sixième degré. Donc, ce n'est pas fini l'histoire. Et il arrive quelquefois qu'on fasse nommer un avocat qui va un peu régler la succession. Et puis, ça revient à l'État. Oui, mais si les parents ont des enfants qui sont en bas âge, par exemple. Eh bien, c'est un problème, parce qu'il faut démontrer au juge de paix, qui va marquer son accord sur cette renonciation pour les enfants mineurs, il faut démontrer au juge de paix qu'il n'y a pas d'actif, parce que sinon il va dire « Attends, c'est trop beau, ça c'est peut-être pour faire bénéficier les cousins, ou que sais-je. Mmh. Moi, je veux être sûr que les enfants risquent d'être lésés s'ils acceptent la succession purement et simplement. » Oui, et dans certains cas, quelquefois, on n'a pas la certitude qu'il y a beaucoup de dettes. Alors, est-ce qu'on peut... Il y a des actes à poser avant pour être certain ? Alors, il y a une technique, c'est l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, disant « j'accepte, mais je demande un inventaire notarié de tout le passif et l'actif, et on verra le total et s'il y a un boni. » Et donc les dettes sont payées au prorata du boni. Oui, parce qu'on n'est pas censé connaître toutes les activités de ses parents, a priori, si ça se passe de manière soudaine, si le décès arrive de manière soudaine. Effectivement, donc on peut faire ça, quitte à renoncer par après. Tout à fait. D'accord. Non, on ne renonce pas, on accepte sous bénéfice d'inventaire. Mais on n'est tenu qu'à concurrence de l'actif. Donc il y a 1000 euros sur le compte, il y a 1200 de passifs, eh bien on payera les 1200 avec les 1000 euros au prorata de ce qu'on a recueilli. Donc on ne risque pas de devoir sortir de sa poche. Ok, autre question ? Alors une auditrice nous envoie un mail. Est-on obligé de partager en part égale l'héritage alors que l'on a des enfants de mariage différents et que l'on est seul ? Peut-on favoriser un des enfants ? Alors, chaque enfant reçoit une part égale. Ça, c'est clair. Vous avez trois lits différents, trois enfants différents, ils reçoivent chacun une part. Mais vous pouvez éventuellement, c'est souvent le petit dernier, il a eu moins que les autres, et vous pouvez donner une partie. Mais les autres ont droit à leur réserve. Dans mon exemple, il y a trois enfants, chacun a droit à minimum un quart, et il y a un quart, qui est ce qu'on appelle la quotité disponible, qu'on peut éventuellement rajouter à la part de celui qui est le dernier, qui a eu un peu moins que les autres. Mais doit être acté, ça. Non, ça c'est la loi. Ça veut dire que la loi. Mais si vous faites un testament, je lègue tout au dernier, les deux autres vous disent « Attends, et là, et ma part, moi j'ai droit à un quart. » Et donc, ils pourraient demander la réduction de ce que devrait recevoir le plus jeune. Mais si je vous entends bien, et les derniers qui nous écoutent, ils ont intérêt à être gentils. Ce qu'ils peuvent avoir le quart un peu plus. On sait jamais. Il y a d'autres questions déjà. Oui, Angélique, je connais une dame qui vient de perdre son mari. Ils étaient mariés, mais n'avaient pas de contrat de mariage. Leur maison est payée, mais elle a appris qu'elle devait payer des droits de succession sur la maison. Elle se demande comment ça se fait. Devra-t-elle aussi payer des droits de succession sur leur voiture ? Faux. Il n'y a plus de droits de succession pour le logement familial entre époux. Entre époux. Donc, cette dame va recueillir l'usufruit, les enfants à la nue propriété. Donc, sur la valeur de l'usufruit, elle ne paye pas des droits de succession. À Bruxelles, c'est sans limite. En Flandre, c'est sans limite. En Wallonie, ils ont réduit ça à 360 000 euros. cette biesse. Enfin, c'est comme ça. Alors, on a dit un truc important, le contrat de mariage. Est-ce que ça a une influence lors d'un décès? Énormément. Depuis qu'il y a cette disposition où il n'y a pas de droit de succession pour le logement familial, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui l'avaient là. Ils ont bossé toute leur vie, ils ont ce logement familial, et en plus, ils doivent payer les droits de succession sur la moitié s'ils héritent de la moitié. Ouais, c'est ralent, hein. Donc, il y a un dispositif maintenant qui vous permet, en changeant, ça ne coûte pas très cher, votre contrat de mariage, et en prévoyant que la totalité du logement familial revient au survivant. Donc le survivant recueille tout le bien, les enfants ne doivent rien payer, le conjoint survivant ne doit rien payer, et surtout, il peut décider de le vendre seul, parce que c'est trop grand, il y a trop d'escaliers, ça coûte trop cher, que sais-je. Il le vend, et puis éventuellement, il fait une donation à ses enfants. Question encore une ? Oui, j'aimerais poser cette question. Mon père est millionnaire et je suis son seul héritier. Oui. Il ne cherche pas un notaire, ce monsieur ? Je m'entends très bien avec lui, jusque-là tout est beau. Mais, je vous lis l'expression, la couille dans le pâté, c'est qu'il s'est remarié avec une dame très vénale, on va dire. J'ignore s'ils ont prévu une séparation des biens. Il vient déjà de lui acheter une maison près de Londres pour ses enfants. Il m'a aussi dit qu'il ne voulait pas plus tard la laisser sans rien s'il devait partir avant elle. Elle habite dans la maison de mon père. Je voudrais savoir à quoi ai-je droit en termes de biens et d'argent. Ça, l'arrivée d'une petite jeune comme ça, les enfants tirent une tête jusque par terre. Parce que c'est vrai qu'on ajoute une héritière et que donc on ne sait pas. Je crois que la pire des choses, c'est de commencer à disons, en trop en parler. Il y a des gens qui détestent ça et le père ou la mère qui voit un peu les enfants dit « Mais quoi ? Et tu sors avec ce type et tu sors avec cette femme et c'est pas bien pour toi et reste avec nous. » Enfin, ça, c'est la pire des choses. Parce qu'alors, les parents se méfient, vont prendre des mesures éventuellement adéquates. J'entends parler de Londres. À Londres, on peut déshériter complètement ses enfants. La réserve n'existe qu'en Belgique. Il ne faut pas croire que c'est dans tous les pays du monde. Donc, si c'est le droit anglais qui trouve à s'appliquer, elle n'a pas un clou. Donc, qu'elle fasse gaffe, qu'elle soit gentille avec papa. Oui, c'est ça. Donc, en gros, ils ont intérêt à tous se domicilier en Angleterre et à Londres, si je suis bien. Ceux qui ont des enfants sur plusieurs lits, peut-être. C'est un peu compliqué, toutes ces histoires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook. Marc reste avec nous encore pendant 3 quarts d'heure. Maintenant chez Easy Par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparxl.be. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. En télé, sur la une. Ils sont de retour pour une ultime saison. L'heure est venue de tirer sa révérence. Si dès le départ, je n'avais pas estropié la machine, elle aurait peut-être eu une chance de vaincre Samaritain. Les dés sont jetés pour les 3 premiers épisodes de Person of Interest, saison 5. Mardi soir, sur la une. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale, à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. À suivre aussi sur Vivacité, dans 5 à 7 à 18h30. Alors, père, on va chez Tante Nicole et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 16 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée. Idée châssis. Le dimanche 16 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez Idée Châssis à Jean Blou. Idéechassis.be. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Dreaming till the day I die. Callas sur Université avec le titre Spirits. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Marc Van Beneden, notaire de son état, est avec nous en studio. On parle de succession et les questions affluent sur Facebook, Annie. Oui, alors c'est Giuseppe nous écrit que sa maman est décédée à Avignon en 2013. Donc elle y habitait depuis un certain temps. Nous avons confié la succession très modeste à un notaire de la région en mai 2014. Nous sommes toujours dans l'attente. Ce notaire n'est jamais joignable et il se demande ce qu'il doit faire. Alors, si le défunt était domicilié à Avignon en France, donc c'est la France qui gère le problème, mais il ne doit pas oublier que si... sa tante d'Avignon, avait un bien ici en Belgique, il faut régler le problème de l'immeuble en Belgique. D'accord. Aussi. Donc il faut faire ce qu'on appelle une déclaration de mutation en Belgique, mais la succession est réglée là-bas. Et c'est vrai que ça prend quelquefois du temps, mais on peut changer de notaire. Hein. Si on n'est pas content de son notaire, on change un notaire. Et voilà, et pour un peu relancer, et où il faut qu'il aille peut-être sur place. Je ne sais pas quel est l'état de la situation, parce qu'il y a certainement des comptes à débloquer, il y a certainement des choses à faire. En France, il faut faire un acte quand on décède, un acte pour mettre l'immeuble au nom des héritiers. Il faut savoir quels sont les héritiers, est-ce qu'il a communiqué ça à son... Avant le décès, il vaut mieux le faire, ouais. On est d'accord. Mais donc c'est important pour toutes les personnes âgées qui au moment de leur retraite vont vivre à l'étranger, par exemple en Espagne, il faut savoir que tout va se faire alors en Espagne, c'est un notaire espagnol par exemple. Voilà. Et donc les choses sont vraiment assez compliquées, hein, parce que le droit est différent, donc on n'hérite pas toujours de la même chose, on hérite de certaines choses en Belgique, c'est la loi qui le prévoit, mais éventuellement on hérite de choses différentes là-bas en Espagne. D'accord. Donc je pense qu'il faut faire un testament pour qu'on hérite de la même chose. Bien se renseigner avant d'aller s'installer au soleil. Et moi, si j'étais eux, je donnerais par exemple le bien que j'ai en Belgique, ouais, si je vais m'installer, hein, pour qu'il n'y ait pas comme ça ces successions à cheval sur deux pays, c'est compliqué. Annie, Aurore. Alors, on a reçu aussi un mail. Je vis dans une maison unifamiliale qui appartient à mon père. Quels seraient les frais de droit de donation s'il met sa maison au nom de mon fils, qui est donc son petit-fils, qui n'a encore que 10 ans? Le compromis est discuté avec mon frère. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Parce que bon, avoir un jeune enfant, ce jeune enfant est tout mignon, tout beau... Mais est-ce qu'il ne va pas rencontrer des gens peut-être de mauvaise vie, de mauvaise qualité et tourner mal? Et entre-temps, l'immeuble a été mis à son nom, on ne sait plus y toucher, on ne sait plus vendre un immeuble. De toute façon, cet enfant est sans doute mineur, donc il faut aller chez le juge de paix, il faut voir quelle opération. Est-ce que je fais une donation? Je fais une vente, je ne vois pas avec quel argent l'enfant mineur pourrait payer. Mais c'est vrai que les donations pour le moment sont intéressantes et c'est vrai qu'il est à la mode maintenant. Je donne à mon petit enfant la nue propriété, donc la propriété sans l'usufruit, et je donne à mon enfant, le père ou la mère de cet enfant, l'usufruit. Donc mon enfant a l'usufruit, la jouissance, il peut l'occuper, il peut le louer, et quand cet enfant sera mort, eh bien mon petit enfant va hériter, ayant reçu la nue propriété, sans payer de taxes. On gagne une génération, d'accord, de taxes. Ça vaut le coup. Mais est-ce que maintenant, on garde comme ça un immeuble pendant une ou deux générations? Est-ce qu'on n'est pas plutôt à vendre, acheter? On est un peu coincé si l'un des deux ne veut pas. Et donc, il y a quand même pas mal de questions qui nous sont posées sur ce problème-là. Donc, les parents, les grands-parents vis-à-vis des petits-enfants, à vous entendre, c'est quand même pas la meilleure idée ou l'excellente idée à faire pour payer moins de droits de succession. Écoutez, ma plus grande souffrance comme notaire, c'est d'avoir connu des cas où les parents ont trop donné et se sont retrouvés dans la difficulté. Parce que, je vais raconter une histoire, la chute de la Générale Fortis là, en 2008, j'ai des clients qui sont arrivés ruinés à l'étude. Ruinés. Ils avaient tout donné et on a rassemblé les enfants pour leur dire, écoutez, voilà, maintenant, il faudrait peut-être aider papa et maman, ils ont plus un bal. Et donc, quelque part, j'ai bien vu dans quelles difficultés ils se sont retrouvés pour essayer de vivre normalement. Alors, ils avaient tout donné, ils étaient ruinés. Mais légalement, les enfants doivent aider, les parents, non? Oui, d'accord, voilà. D'accord, mais je veux dire, c'était des gens très aisés, ils avaient un patrimoine important, et ils étaient ruinés, ils avaient donné leur immeuble à la mère, ils avaient donné leur immeuble à Oulué, peu importe, et ils étaient ruinés, et il a fallu un peu remettre à plat. Je crois qu'il faut d'abord penser un petit peu à soi, et voir si on a les moyens de donner. Et est-ce que ça ne va pas handicaper? Est-ce que vous avez 80 ans, 85 ans, vous avez donné votre immeuble et vous avez gardé l'usufruit, mais vous allez peut-être aller dans un home. Qu'est-ce que je vais faire de cet usufruit? Qu'est-ce que j'ai besoin de sous? Je vais devoir louer l'immeuble. C'est compliqué. Donc il faut penser à la suite, tout en préservant quelque part son bien-être à soi. Il ne faut pas non plus trop dilapider, voilà, entre gros guillemets. Moi, je pense qu'il faut d'abord calculer le montant des droits qu'on aura à payer. Est-ce que c'est très lourd? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est moyen? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y a Facebook. Le

Et on s'informe avec vous, David Riffon, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le budget du gouvernement fédéral est bouclé, si l'on en croit Didier Reynders, vice-premier ministre. Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont retrouvés ce matin à 11h, après quelques heures de sommeil et surtout une nuit de travail. Cette nuit a visiblement été productive. 3 milliards seraient donc trouvés des réformes prévues. Écoutez le ministre des Affaires étrangères à son arrivée au Lambermont, il y a donc une heure. Pour lui, Charles Michel pourra présenter sa déclaration de politique général devant le Parlement demain, comme prévu. Je pense que pour le budget, on a regardé encore les derniers tableaux cette nuit, on est au bout du chemin, toutes les mesures sont sur la table. Je peux comprendre qu'il y a encore certaines ambitions à propos des réformes que l'on doit finaliser en matière d'impôts des sociétés, en matière de marché du travail, mais sur ça, je le répète, nous avons du temps devant nous. Il faut déposer les textes au Parlement et les faire voter d'ici la fin de l'année, mais ce n'est pas pour la déclaration elle-même. La déclaration, elle va donner l'orientation. Alors voilà, c'est une question de savoir maintenant si chacun se sent à l'aise avec le budget tel que je prends, on l'a tous ensemble bouclé cette nuit, et puis les orientations qui seront données dans la déclaration. Didier Reynders avec Fabien Van Eekhout, un petit léger son de cloche différent tout de même du ministre de l'Emploi Chris Peeters, le CDNV, qui dit que tout n'est pas encore tout à fait terminé tout de même. Syndicats et direction d'ING se voient pour la première fois depuis l'annonce la semaine dernière de plus de 3000 licenciements de la part de la banque. C'est aujourd'hui le début de la phase 1 de la procédure Renault de licenciement. Les représentants des travailleurs peuvent poser toutes leurs questions et avoir des éclaircissements de la part de la direction sur la restructuration. Fin de cavale en Allemagne, un réfugié syrien soupçonné de préparer un attentat a été arrêté la nuit dernière après 2 jours de recherche. L'individu transportait des charges explosives importantes, il a été arrêté chez un de ses amis, notre confrère de Radio France, Cyril Sauvageau. L'arrestation a eu lieu peu après minuit dans la ville de Leipzig, à une centaine de kilomètres de là où le fugitif avait disparu. Selon des infos du Spiegel, l'homme a été interpellé dans l'appartement d'une connaissance où il avait trouvé à se faire héberger pour la nuit. Il aura donc fallu 48 heures pour retrouver la trace de Jaber Al-Bakr, ce demandeur d'asile syrien de 22 ans, qui a échappé de peu à la police samedi lors d'une perquisition dans un HLM de Chemnitz. Sur place, les forces spéciales ont trouvé une grande quantité d'explosifs, 500 grammes de TATP, cette substance déjà utilisée dans d'autres attentats attribués à Daesh. Mais le suspect, lui, s'était volatilisé. Les policiers l'auraient même vu fuir l'immeuble, mais après un tir de sommation, ils auraient renoncé à lui tirer dessus de peur d'une explosion. Ce cafouillage a fait naître un début de polémique ce week-end. Comment la police avait-elle pu le laisser fuir, sachant qu'il était déjà surveillé de près par les services de renseignement, qui connaissaient, semble-t-il, ses liens avec le groupe État islamique. Soulagement donc ce matin, comme l'écrit la police saxonne sur son compte Twitter. Nous sommes épuisés, mais très heureux de ce dénouement. Deuxième débat présidentiel aux États-Unis la nuit dernière. La joute verbale a été intense entre Donald Trump et Hillary Clinton. Les coups bas n'ont pas manqué sur le passé respectif des deux candidats. 2 jours après les révélations dans une vidéo des propos obscènes de Trump sur les femmes. Selon les sondages, c'est la candidate démocrate qui l'a emporté. Football, les Diables Rouges affrontent Gibraltar ce soir à Faro, au Portugal. Le suspense ne vaut que pour le nombre de buts que les Diables vont inscrire face à la toute dernière nation au classement mondial. Le sélectionneur Roberto Martinez insiste. Pas question toutefois d'afficher le moindre relâchement et prendre cette rencontre à la légère. Coup d'envoi 20h45 à suivre sur tous les médias de la RTBF. Cela vient de tomber, le prix Nobel d'économie est attribué cette année à Oliver Hart et Bengt Holmström pour leur contribution à la théorie du contrat. Et puis encore une fois, merci pour votre générosité. Le record de dons et de promesses de dons pour Cap 48 a été pulvérisé hier soir. L'objectif était de franchir la barre des 5 millions d'euros. Il a été très largement atteint, 5 552 026 euros. La campagne de Cap 48 s'articulait cette année autour du handicap qui survient au cours de la vie. Un point RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, chaussée libre sur la E313. Exactement, dans le sens Liège-Anvers, on avait un accident à hauteur de Ranst, chaussée dégagée, mais toujours des files sur 7 km en direction d'Anvers. Et puis on rappelle cet objet encombrant sur la Nationale 4 Arlon-Namur à hauteur de la sortie Ciné. C'est au milieu des deux voies de circulation, il s'agit d'une sangle de camion, soyez vigilants vers Namur. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon temps de midi à notre écoute et à l'écoute d'On n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo et son équipe. Merci David, bel après-midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie.

Eh bien oui, parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent si on peut tout donner et puis voir combien on va payer, parce que vous savez qu'il y a des différences entre Bruxelles et la région wallonne. Et puis quand on donne et qu'on meurt, et la Flandre, pardon, l'oublie toujours celle-là, et quand on meurt et qu'on a fait une donation un an avant, est-ce que ça a des incidences en fait sur le montant total à partager? Et donc il y a déjà un petit... Commentaire, SMS, Aurore. Mon mari a une vieille tante de 92 ans qui vit à Bruxelles. Elle dit toujours à mon mari que tout est pour lui. Il a dû la conduire chez le notaire, mais a dû rester dans la salle d'attente. Comment savoir si elle a fait une donation ou si c'est simplement un héritage? Elle a certainement pas fait une donation, parce qu'on ne sait faire une donation que si celui qui reçoit est là et il signe pour accepter. D'accord. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'elle a peut-être fait, et je l'espère pour notre ami, c'est un testament à son profit. Sauf si elle dit à tous ses neveux et nièces qu'elle donnera tout. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui disent ça. Et alors, au moment d'ouverture du testament, il y a plein de gens tout autour de la table. Tous ceux qui l'ont conduit chez Deleuze le matin. Je lègue tout à l'association numéro un tel. Quoi, notaire, vous êtes sûr? C'est le dernier que vous avez. Et elle continue en disant, nous vivons en Wallonie, mon mari devra-t-il payer en cas de donation, puisqu'on rappelle que la vieille tante, elle est à Bruxelles. Alors, ce n'est pas en cas de donation, c'est le cas où, où il hérite. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle tellement des donations? Parce que depuis le 1er janvier de cette année, les trois régions ont diminué de manière importante les droits de donation. Avant, les droits de donation et les droits de succession, c'était kiff-kiff. C'était exactement la même chose. Donc, tout donner de son vivant, c'était biesse, puisque c'était le même montant que ce qu'on aurait payé en cas de décès. Mais maintenant, les régions ont tellement besoin de pognon, c'est qu'elles encouragent les gens à donner de leur vivant. Et en effet, il y a une dédiminution très, très, très, très importante. Vous parlez de la vieille tante, excusez-moi, mais ça c'est vraiment sur la première tranche de 150 000, avant c'était entre 30 et 40%, on est passé à 10%. Ah oui, quand même. Donc donner de son vivant, son immeuble à son neveu, ça vaut vraiment le coup. Mais il faut réfléchir pour voir si ça vaut vraiment le coup, si vous ne mettez pas en danger. Hein. Mais par contre, financièrement, ça vaut le coup. Et maintenant, nous les notaires, nous passons beaucoup d'actes de donation immobilière parce que ça vaut vraiment le coup. Et justement, plus ou moins... Pardon. Justement, on peut tout donner ou bien il y a quand même la loi qui dit non, faites gaffe et on met quand même une limite ou bien non, de non, son vivant, on peut tout donner. On peut tout donner. C'est aussi une manière d'organiser hein, parce que je donne tout à mes trois enfants et puis ils se partagent entre eux. Les notaires ne font jamais une donation d'un immeuble à un enfant, tel autre immeuble à un autre enfant, tel autre immeuble à un autre enfant. Pourquoi? Parce qu'au moment du décès, on met tout à plat. Alors, s'il y a un immeuble qui a doublé de valeur et l'autre, parce qu'il y a le TGV qui passe juste à côté, il a perdu toute sa valeur, c'est la bagarre pendant trois générations entre les deux enfants. Mmh. Donc, on donne tout aux trois enfants, et puis ils se partagent juste après, ça coûte la même chose, et ça permet au moins de ne pas avoir de décompte et de discussion au moment du décès. Mais imaginons que quelqu'un donne, et puis le hasard de la vie fait qu'elle décède très rapidement. Est-ce qu'il y a restriction? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée à Bruxelles, à mon avis les politiques n'ont pas pris conscience de ça, on a dit « je donne le lundi à mes enfants, et je décède le mercredi, c'est oublié ». Dans les deux autres régions, et comme ça se passait avant, il fallait attendre 3 ans. Oui. Je décède dans les 3 ans, je rapporte dans la succession ce que j'ai déjà donné, mais je peux déduire les droits de donation que j'ai payés, qui se déduisent des droits de succession. Donc c'est bouffe, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais à Bruxelles, le lendemain, on peut mourir. Mais il y a moyen, peut-être, en payant quelques droits de régler, de raboter ce délai de 3 ans. Non. Non, il n'y a pas moyen, allez, je sais pas. Aller négocier. Je sais pas. Non. Tout ne se paye pas, vous, non, ça, je sais pas. Je pose des questions. Non. Oui, ce serait pas mal, ça. C'est... Mais donc, ça veut dire qu'il y a une différence profonde entre la Wallonie et Bruxelles, notamment. Moi, je vous cache pas que c'est après une donation. Je trouve que c'est une excellente chose, mais ça m'angoisse un peu. Parce que les droits, les donations mobilières, je donne de l'argent. Moi, je suis souvent appelé à la clinique. La personne est vraiment au bout de sa vie. Elle m'a attendu. Bon, je signe. On paye les 3% de taxes pour la donation mobilière. Hier, je ferme la porte et j'apprends qu'elle est décédée juste après mon passage. C'est de votre faute. Portez malheur. Hein. Excusez-moi. Mais... Alors, donc, j'ai un petit peu peur qu'on soit appelé pour faire une donation vite fait. Mais la donation immobilière est un peu plus compliquée. Ouais. On doit faire des recherches. Est-ce qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique? Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, c'est quand même un peu compliqué d'organiser ça en 10 minutes, un quart d'heure. Autre question. Alors, Alexandra a 2 filles. Elle les a aidées financièrement. Elle en a aidé une. Nous n'aimerions pas qu'il puisse y avoir des problèmes entre les 2 sœurs. Est-il raisonnable d'aller chez un notaire pour signifier que l'aînée a déjà eu droit à une certaine somme que la cadette n'a pas eue? important, hein, parce qu'au moment du décès, moi j'ai eu deux frères qui se sont disputés parce que l'un était médecin et donc il a été aidé par les parents jusqu'à ses 32 ans. L'autre, il s'est mis sur le marché de l'emploi, il avait 18 ans et il estimait qu'il fallait faire un décompte de frais d'études pendant 12 causes. Ça n'a pas de sens. Donc il faut que les parents vraiment verrouillent le tout et disent « je donne tout à mes deux enfants » et ici peut-être faire un leg de la somme qu'a reçue l'autre simplement en compensation et c'est terminé. Il ne faut pas qu'il y ait des discussions entre les enfants, tout ressort. Alors on a reçu aussi deux questions du même genre. Le père de mes enfants est décédé, ils acceptent l'héritage sous réserve d'inventaire, mais mon fils a signé le devis des funérailles. Doit-il dès lors payer la facture ? Alors c'est évidemment délicat. Supposons que ce sont des frais de funérailles très très élevés, vous imaginez qu'il renonce à la succession. Les créanciers vont se retrouver avec une facture de funérailles hallucinante par rapport à l'actif. Il risque d'y avoir des discussions. En général, on accepte qu'il y ait, disons, une organisation des funérailles raisonnable par les enfants, même s'ils renoncent à la succession. Mais pas question de vendre tous les meubles, de vider tout l'appartement. Il faut réagir assez rapidement. Ce serait trop facile, je prends tout ce qu'il y a de bon et je laisse aux créanciers les dettes. Rapidement, Annie. Alors, on a parlé de déshériter les enfants. Est-ce que maintenant, quand il n'y a pas d'enfants, est-ce qu'on peut déshériter son père ou sa mère ? Alors, le père et la mère ont droit chacun à un quart. Un quart. Et il y a un projet de loi qui est en discussion pour que cette réserve n'existe plus. Donc c'est une réserve, vous ne pouvez pas déshériter totalement votre père ou votre mère. C'est grave, c'est lourd. Mm-hmm. Vous n'avez pas d'enfant, votre papa et votre maman ont droit chacun à un quart. Vos frères et sœurs ont droit à la moitié. Mais le problème des frères et sœurs, c'est qu'ils payent les droits de succession hallucinants, 30, 40, 50%. Donc faites attention, ça ne s'improvise pas à faire de donations. C'est pas Dieu qui vous le rendra, ça doit passer et être acté devant un notaire. Marc Van Beneden, vous restez avec nous et les questions sur Facebook, on les attend, on les lira dans quelques minutes encore. Vous disposez d'actions depuis longtemps et avez besoin de conseils pour vos investissements. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Docs is style. Docs is wow. Docs is fun. Docs is yummy, yummy. Génial. Cinéma. Docs is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Docs is lingerie. Docs is comme tu es belle. Delicious. Docs is men. Woman. Kids. Me. Docs Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Docs Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur docsbruxelles.be. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré, gratuit. Quadrus à Waterloo, Wavre et Zaventem, quadrus.be. Quadrus. Voir conditions. Allô ? Oui, salut Max. Ah, salut Sophie. Bonjour madame, j'arrive tout de suite. Oh bah dis donc, t'as l'air occupé toi. Dis, quand est-ce qu'on mange ensemble tous les deux ? Oui, bonne idée. J'ai un créneau mardi 23h. 23h, c'est pas un petit peu tard ça ? Ah bah tu sais, ma boîte c'est passionnant, mais j'ai plus de temps pour moi. Jeudi 6h du mat. Et tu te reposes quand, Max ? Votre santé est importante, pour vous et pour votre entreprise. Découvrez tous les conseils pour garder l'équilibre sur 7jourssanté.be. Dimanche minuit ? Max ! Avec le soutien de la COCOF. Divacité. had to say. I claim to be elastic, snap, nasty. I close my eyes, but the music will loud. It's the only way I know to write this down out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. Dernier Overphonic sur Vivacité, le titre Hiding in a Song. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. On parle succession avec Marc Van Beneden qui est notaire et surtout avec vos questions sur Facebook. Il y en a beaucoup, hein. Oui, question. Autant dire d'un qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde. Ah non, ça, on peut on déjà vous l'annoncer. Les plus emblématiques. Donc, question d'un auditeur. Mon frère occupe avec ma mère, qui est veuve, la maison familiale depuis de nombreuses années en profitant de tous les avantages que cela implique, le loyer, etc. Que se passera-t-il au décès de ma mère en sachant que je suis lésée ainsi que mes enfants depuis près de 20 ans? On peut déjà dire que ces deux-là vont s'engueuler. Ah oui, c'est à moi. Ils s'engueulent déjà. Mais il ne va rien se passer, parce que le frère ne doit pas espérer commencer à faire des décomptes que n'a pas fait la maman. Surtout que le frère qui a vécu avec sa mère, bah, il a dû s'en occuper, elle a été malade. Ça aussi, on pourrait chiffrer. Si voilà. Vous rentrez dans les détails, voilà, on pourrait aussi chiffrer. Ouais. Non, ça on oublie. Par contre, c'est vrai que le frère qui est domicilié dans l'immeuble familial qui appartiendra aux deux au moment du décès, bah, il devra commencer à payer un loyer, il y aura des décomptes entre eux concernant ça. Ça, je suis d'accord. Mais pour le passé, c'est fini. Et moi, je crains, si j'étais le frère... c'est qu'il y a certainement un testament qui traîne dans un coin pour avantager celui qui l'aide. Et c'est le problème qu'on voit. Les personnes sont inquiètes, elles ont 80, 85 ans. Donc s'il y a un des enfants qui se dévoue pour s'occuper d'elle à tous les jours, elles ont envie de lui donner une petite raouette en plus. Ça ne me choque pas. Alors une auditrice nous demande, si nous mettons la maison de mes parents à mon nom alors que nous avons déjà une maison, ne payerons-nous pas trop aux contributions? Au final, est-ce qu'on est perdant ou pas? Je ne devrais plus payer en héritage que la part de ma mère vu que mon père est déjà décédé. Alors, elle est déjà propriétaire d'un immeuble, mais les propriétaires ont pleine propriété. Tandis que si les parents donnent, ils gardent en général l'usufruit, donc elle n'est que nue propriétaire. Donc le nu propriétaire ne paye rien comme taxe, précompte immobilier, il ne doit pas déclarer le revenu cadastral, donc ça ne va rien changer à sa vie. Le jour du décès du parent survivant, eh bien elle deviendra plein propriétaire et elle n'aura pas de taxe à payer. Et à ce moment-là, elle se posera la question, est-ce que je vends l'immeuble, je le garde, je le loue, Et à ce moment-là, toutes les charges cadastrales seront à son nom. On est d'accord. Alors, il y a plusieurs questions aussi sur la vente en viager. On sait qu'il y a pas mal de publicité maintenant. Et il y a des gens qui se posent des questions de savoir comment ça va aller quand on décède. En fait. Alors, ça, c'est un vrai problème parce que moi, ça fait une trentaine d'années plus ou moins que je suis notaire. Au début, il y avait beaucoup de ventes latentes qui n'avaient pas d'héritier en ligne directe. Ben, elle vendait son immeuble parce qu'elle se disait que ça ne servait à rien de le donner puisqu'on paierait 40, 50, 60% de taxes. Donc, elle le vendait en rente viagère. Mais maintenant, moi, j'ai une maman, j'ai un papa qui vit dans son immeuble, dans son appartement, qui ne sait pas nouer les deux bouts, qui a de vrais problèmes au niveau des charges et qui donc se décide à le vendre en rente viagère. Elle garde l'usufruit, cette personne, donc elle garde la possibilité de l'habiter l'immeuble et elle reçoit tous les mois une somme qui sert à payer ses charges. Ça, c'est neuf depuis 3-4 ans. Donc ça, c'est un vrai problème qui se pose, qui va pouvoir être solutionné peut-être, je l'espère, mais ça, c'est tout nouveau. Annie, d'autres questions? Aurore, d'autres questions? Alors, il y a encore des mails. Hein, oui, Céline, j'ai 25 ans, mon papa est décédé en 1992. À cause de nombreuses dettes, ma maman a effectué une renonciation d'héritage pour ma sœur et pour moi en 93. Mes grands-parents, donc les parents du papa, me parlent de plus en plus de démarches à suivre lorsqu'ils ne seront plus parmi nous pour hériter

Les titres du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça y est, le budget est bouclé, ou presque. Le travail de cette nuit a manifestement suffi à aligner tous les chiffres nécessaires. Le budget de l'État pour 2017. Après cela, il y aura les réformes et on a du temps pour les mettre en place. C'est en tout cas ce que dit Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères, à l'entrée de la réunion du conclave convoqué à 11h ce matin. Il porte le nom d'une fleur, mais c'est un gros navire non 91 mètres de long, le Godessia, c'est le navire de commandement et de soutien logistique de l'armée belge. Ça fait 50 ans qu'il navigue et ce matin, il est parti de Zeebruges pour la Guinée en Afrique. À son bord, 95 militaires qui viennent de quitter leur famille pour 10 semaines. Pour savoir ce qu'ils feront sur place, eh bien rendez-vous dans le journal de 13h. Pas de mission en Haïti, en revanche, pour l'équipe Bifast, l'équipe de secours d'urgence que la Belgique peut envoyer en cas de souci. Après le passage de l'ouragan Matthew, c'est la désolation en Haïti. Il y aurait plus de 1000 morts et 1,5 million de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. C'est en tout cas les chiffres de l'Agence des Nations Unies chargée des affaires humanitaires. Alors Bifast était prêt à partir, mais les affaires étrangères n'ont pas donné leur feu vert pour le départ de cette mission. Cela dit, ça pourrait n'être qu'une question de jours. Le ministre des Affaires étrangères, encore lui, explique que des tractations sont toujours en cours pour l'envoi de cette mission Bifast en Haïti. À 13h, on reparle aussi du déplacement des Diables au Portugal, à Faros. C'est là qu'ils vont jouer contre l'équipe de Gibraltar. Gibraltar n'a pas de stade conforme, c'est pour ça qu'ils jouent ailleurs. C'est aussi une équipe non professionnelle et donc, normalement, ça ne devrait pas être un souci pour notre équipe nationale. De là à dire que ce serait une promenade de santé, ce n'est pas si sûr. En tout cas, Eden Hazard le voit comme un match identique aux autres, un match à gagner. Il le dira dans le journal de 13h. J'ai une question, Manu. Oui, ça va les jambes? C'est pas terrible, terrible. Ah non, parce que vous avez fait quand même les 100 km pour Cap 48 hier. Bel effort, bel exploit, belle somme récoltée. Mais ça va, sérieux? Bah, ça va. Bon. Ça va. Pas vous dire que je vais faire un petit 100 mètres là. N'allez pas trop loin parce qu'il faut revenir, faut revenir à 13h, à tout à l'heure. Je suis sur une chaise à roulettes. Pas des pigeons. I don't care, go on and tear me apart. Coldplay et Avicii sur UACTE Sky Full of Stars. On n'est pas des pigeons. Dernière salve de questions au notaire Van Beneden qui est avec nous depuis une bonne heure maintenant. Et on parle de succession. Oui. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Alors, mon compagnon et moi sommes concubins de fait. J'ai un enfant d'un premier lit et nous avons un enfant en commun. Le logement familial est entièrement à mon compagnon. Cuit en cas de décès de mon compagnon, ma fille pourra-t-elle me mettre à la porte quand elle sera majeure ? Y a-t-il une solution pour me protéger ? Quid des droits de succession pour moi en tant qu'elle est mineure ? On se croirait à un examen. Sachant que le train part à 8h05. C'est la cata. Hein. C'est la vraie cata. Hein. D'abord, cohabitant de fait, ça veut dire qu'on n'a pas fait la déclaration à la commune. On vit ensemble, mais il n'y a aucun lien juridique, sauf en Flandre, où les choses sont un peu différentes. Donc vous n'héritez pas de l'autre. Donc c'est la catastrophe. Il suffit d'aller faire une déclaration à la commune, ça prend une demi-heure, même pas, et vous devenez cohabitants légaux. Et à ce titre, vous pouvez hériter l'un de l'autre du logement familial. Donc elle va hériter de la jouissance, de l'usufruit de ce logement familial. Elle va pouvoir y rester, elle va pouvoir le louer. Et elle paye zéro de droit de succession. Pour le logement familial, comme pour les gens mariés, il n'y a pas de droit de succession. Donc c'est le jackpot, il n'y a pas photo. Il faut qu'elle parte tout de suite demain, qu'elle nous écrive un petit mot pour dire qu'elle a été... Et donc, ça veut dire que la solution pour se protéger, c'est aller à la commune faire une déclaration de cohabitation légale. Et alors, à ce moment-là, éventuellement, son compagnon, s'il est gentil, peut lui léguer un peu plus. Mais en tout cas, elle a au minimum la jouissance, l'usufruit du logement familial. D'accord, ou alors qu'elle aille voir un notaire. Moi, ça sera bien. Parce que si elle ne le fait pas, sa fille peut la mettre dehors. Bien sûr, alors. Sa fille deviendra pleine propriétaire, sa fille paye les droits de succession. Et donc c'est idiot, on ne sait jamais quelles seront les relations entre sa fille et elle. Il ne faut jamais dire, ouais, elle ne me mettra jamais dehors, non, c'est pas vrai. Ah non, parce qu'à voir tous les messages ici, on voit déjà qu'il y a déjà des gens qui sont en dispute depuis très longtemps, donc ça ne va pas arranger les choses. Le monde, alors, les gens sont gentils entre eux. Est-ce qu'il est possible, par exemple, Marc, que des parents, par exemple, s'entendent leur mort prochaine, en fait, réunissent tous leurs enfants en disant, voilà... on va signer un accord entre nous pour éviter d'avoir des disputes après le décès. Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça s'appelle le pacte sur succession future. C'est vraiment, vraiment ce qui m'a manqué dans ma vie de notaire. Parce que c'est un document qu'on peut faire avec tous ses héritiers, avec le papa et la maman qui sont là, en disant, voilà, écoutez les enfants, vous n'allez pas vous disputer pendant 200 ans, on va partager ça de telle manière, on va faire ceci, voilà l'argent que j'ai donné en plus à l'un ou à l'autre, on signe tous et... ça s'exécute au moment du décès. Ça vous a manqué, ça veut dire que ça n'existe pas ? Ça n'existe pas parce que la loi l'interdit expressément. C'est d'accord. Nul de droit public. Donc le document qu'on fait, il est nul. Le juge ne va même pas le regarder. C'est bête parce que c'est le truc qui va sauver tout. Mais c'est en discussion pour le moment. On aura discuté depuis quelques années pour modifier ces lois. Les réserves qui ne correspondent plus aux réalités, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez des enfants, ça sur plusieurs lits, ça n'a pas de sens d'avoir ces réserves importantes. Les réserves des ascendants, des parents, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer aussi. Et alors, à propos de lits différents, il faut quand même rappeler, parce que de temps en temps, les gens en posent aussi la question, on hérite de son papa et de sa maman. Hein. On n'hérite pas nécessairement du compagnon de sa mère, parce qu'elle couche avec depuis 10 ans. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, le nombre de beaux-pères qui viennent à l'étude, en disant, écoutez, j'ai élevé mes beaux-enfants, ils sont plus proches que mes enfants, je voudrais leur léguer quelque chose. Ils ne peuvent pas. Ben ils ne peuvent pas du tout, si. Oui, ils peuvent, mais il y a des droits de succession éventuellement élevés ou des choses comme ça. Donc il faudrait qu'il y ait une organisation pour pouvoir léguer à ses beaux-enfants. Donc si ce pacte futur arrive, le testament... Je cours à l'émission et je viens vous prévenir tout de suite. Et ça veut dire que le testament n'a plus de raison d'être, quelque part. Oui, il aurait une raison d'être. C'est... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas trop parler d'argent, de choses, c'est dévoiler un peu tout ce qu'on a. Ils sont assez secrets. Bon, ben pour eux, ils feront un testament qui sera lu au moment du décès. Mais par contre, s'il y a un accord, parce qu'il y a une vie assez compliquée, pourquoi ne pas faire ce document ? Marc Van Beneden, merci d'être passé avec dans ce studio. Annie, en conclusion. Oui, une dernière info pratique, allez sur le site des notaires, www.notaire.be. Vous trouverez toutes les informations utiles. C'est très concret, le langage est compréhensible. Il y a même des petites vidéos avec des bons notaires qui parlent. Non, c'est pas vrai. Notaire.be pour toutes les infos. Maintenant, chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut les copains, ça roule. La Ford Fiesta 40 Years Edition est un véhicule dernier cri équipé de la climatisation et des dispositifs Bluetooth et SIM pour votre téléphone portatif. La Ford Fiesta, c'est BAT!

Sur le grill. Sur le grill. Alors, on a parlé de notaire, de succession. Retour aux choses essentielles aussi qui font cette émission. Le lundi, on parle de ce qu'on met dans nos assiettes avec vous. Aujourd'hui, les questions de miel. D'où, avec cette toute question, on ne peut pas aller chercher du miel au coin de la rue non plus. Donc, on va dans les magasins, il y a du miel industriel. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ça? Depuis 2003, le pays de récolte doit être annoncé sur l'étiquette. Le problème, c'est que la plupart des miels industriels, eh bien, ce sont des mélanges d'origines diverses. Et dans ce cas, seules les mentions originaires de l'Union européenne ou non originaires de l'Union européenne sont obligatoires. Ah, c'est quand même un vaste territoire. C'est quand même un vaste territoire. Évidemment. Alors, ça dit, n'oublions quand même pas, comme vous le disiez, c'est qu'il y a en Belgique plus de 8000 apiculteurs, amateurs souvent, mais qui produisent quand même chaque année plus d'une tonne de miel. Ah, c'est quand même pas mal. Alors comment on choisit le miel? Parce qu'il y a du clair, il y a du foncé, il y a du solide, il y a du liquide, il y a plein de variétés là-dedans aussi. Oui, et on le dit parfois, mais en fait, ces caractéristiques, elles n'ont rien à voir avec la qualité même du miel. Ce sont des caractéristiques qui sont essentiellement liées à l'origine botanique et au type de sucre, par exemple. Plus il y a de fructose, du miel d'acacia par exemple, eh bien plus longtemps le miel sera liquide. Par contre, plus il y a de glucose dans du miel de colza, pour citer un exemple, eh bien plus il cristallise vite. Et sachez aussi qu'un miel liquide qui cristallise peut redevenir liquide à part après si on le chauffe. Donc finalement, le choix d'un miel, c'est avant tout une question de goût. D'accord. Alors, le miel, est-ce que c'est bon pour la santé? Moi, je sais que quand on a une petite extinction de voix, on met du miel dans du lait chaud, par exemple, ça fonctionne bien. Mais de manière générale, est-ce que c'est bon pour la santé, le miel? Du miel, c'est avant tout du sucre. C'est 80% de sucre, donc c'est 320 calories par 100 grammes. Et c'est vrai qu'on lui attribue beaucoup de vertus. Comme vous le dites, Sébastien, ce qui est clairement démontré, c'est son action antibactérienne. C'est donc très bon pour atténuer les irritations liées aux infections de la gorge, par exemple. Et pour la même raison, le miel, il accélère aussi le processus de guérison de plaies sur la peau. Mais pour le reste, prudence. Et quoi, on s'enduit du miel, on s'enduit les blessures? Oui. Ah bon? Ça vous fait rêver. Le processus de guérison des plaies, dû aussi précisément à l'action antibactérienne. Et après, on se fait lécher le corps. Comment ça fonctionne? Parce que je peux me faire mal cet après-midi, ça se trouve. Je regarde mes fientes. Vous vous faites un petit cataplasme avec du miel. Et alors, le miel ou la gelée royale? Ou alors, on va carrément au-dessus, on fait la gelée royale carrément, non? La gelée royale, c'est la nourriture de la reine. Et on lui attribue aussi beaucoup de vertus, elle retarderait le vieillissement, par exemple. Mais soyons clairs, rien de sérieux ne permet Je suis désolé, Mathilde ne fait pas son âge. De la gelée royale, eh bien, c'est essentiellement la rareté de ce produit. D'accord. Autre question, autre truc que moi j'ai déjà entendu aussi, il ne faut pas donner du miel au bébé de moins d'un an, vrai, faux? C'est vrai, parce que, et l'on trouve parfois cette mention ne convient pas aux enfants de moins d'un an, sur certaines étiquettes. Pourquoi pas partout? Parce que cette mention n'est pas du tout obligatoire, elle n'est que facultative. Et pourtant, elle a du sens. Pourquoi? Parce que le miel renferme parfois une bactérie pouvant provoquer chez les bébés une maladie grave, ce qu'on appelle le botulisme infantile, et qui peut être responsable d'atteinte du système nerveux du bébé. Par contre, le miel est sans danger, tant pour les bambins plus âgés que pour les adultes. Une fois de plus, on a appris plein de choses. C'était sur le miel aujourd'hui. Merci Robert Rémy. À lundi prochain, on fait ça? On fait ça à lundi. Allez, nous, on va poursuivre cette émission. Il nous reste quelques minutes, 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, il y a un truc important qui va se passer. Parce que il y en a un qui va râler. Oui. Est-ce qu'on sait déjà qui c'est va râler? C'est Martine. C'est une qui... Martine n'est pas contente. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche, une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs.

La voix cassée de Bonnie Tyler en souvenir, 1977, et le titre, It's a Heartache. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. On n'est pas des pigeons. On l'a vu tout à l'heure avec le notaire, il y a plein de gens qui posent des questions, il y a plein de gens qui ne s'aiment pas. Ouais. C'est un constat. Ce qu'on remarque aussi sur la page Facebook, c'est qu'il y a plein de gens qui râlent. Mais en même temps, on les incite à râler parce qu'on aime bien les coups de gueule. Et c'est ça qui agrémente la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'est Martine qui n'est pas contente. Qui nous demande quand va-t-on interdire les petites cartes ? Votre véhicule nous intéresse. C'est 3 à 4 par jour. Oula. Les petites cartes se retrouvent en plus sur la rue. C'est vrai que la plupart du temps, ces cartes, qu'est-ce que t'en fais ? Bah, tu les mets à la poubelle parce que ça ne t'intéresse pas. Oui, mais il ne faut pas les jeter par terre. Non, il ne faut pas les jeter par terre, évidemment. Mais je comprends, s'il y en a 4 par jour, ça vous énerve aussi, Elisabeth ? Ça m'énerve parce que moi, parfois, elle part dans la portière de ma voiture. Donc je me dis qu'un jour, ma portière va être bloquée. Il y a peut-être 2 kilos de papier dans votre portière. Le jour où on démontera la porte, mais on verra que ça. De temps en temps, ces petites cartes, pour certains, ça peut peut-être un jour servir. Oui, ça peut peut-être. C'est trop d'accord, mon frère. Si vous avez d'autres coups de gueule, d'autres choses à nous dire, bon plan, astuce, ce que vous voulez, il y a Facebook. Oui, notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Et puis notre répondeur, elle a aussi 24 heures sur 24, 070 222 660. Vous expliquez brièvement de quoi il s'agit. Vous laissez un numéro, s'il vous plaît. Votre prochain rendez-vous avec l'équipe d'On n'est pas des pigeons, c'est sur la Une Télé ce soir à partir de 18h30. Et la vie du bon côté, c'est là maintenant avec vous, Sylvie Honoré. On parle d'enfants, de papa, de maman. Voilà, l'éducation différente selon qu'on soit un papa, selon qu'on soit une maman. L'éducation est un domaine, Sébastien, où les formations sont inexistantes, sont rares. Il n'y en a pas de diplôme, on n'a pas de diplôme universitaire, juste le droit de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Et quand on sait qu'on est quand même un petit peu différent, les hommes et les femmes, eh ben voilà, on est père et mère dès la conception de notre enfant. Et il nous incombe alors à chacun, les hommes et les femmes, les papas et les mamans, de partager nos compétences, cette complémentarité qui ne va pas toujours de soi. Alors certaines caractéristiques dominent chez l'homme et la femme. L'homme, c'est quand même la fermeté, la force, les interdits, la sécurité. Et la femme, nous, c'est un peu plus le côté adouci. On arrondit les angles, voilà. On berce, on apaise, peut-être un peu plus. Hein. Encore une fois, j'aime pas les généralités, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette nuance extrêmement importante. Les femmes mettent l'enfant au monde. Les hommes, les papas, mettent les enfants dans le monde. Bonjour Daniel Radou. Bonjour Sylvie. Est-ce que jusque-là c'est bon ? Oui, c'est très très bien. Ah, c'est bien. Très, très bien. On parle d'archétype en fait. Hein. C'est l'archétype paternel et l'archétype maternel. Oui, c'est ça. Ce que tu as expliqué en fait. Mais c'est très très intéressant. C'est vous voilà. Qui m'avez mis cette nuance dans l'oreille en disant Sylvie, un jour on doit faire une émission là-dessus. En disant que les mamans mettent l'enfant au monde et les papas mettent l'enfant dans le monde. Et donc parfois les mamans veulent que le papa soit comme elles, soit un peu leur clone. Mais que nenni ! On a chacun nos différences. Et donc aujourd'hui, on va remettre un peu, messieurs, la part des choses. On va vous mettre en avant. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir sur cette nuance importante en disant « Mais ils ont tout à fait raison, je vais venir interagir avec eux sur le sujet parce que j'ai envie de parler de ça ». Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Bonne journée à tous. Des averses assez nombreuses au littoral, où même un coup de tonnerre est possible. Un temps plus sec ailleurs, mais des averses qui pourraient se former dans le courant de l'après-midi. On attend des maxima de 9 à 14 degrés, avec une météo donc légèrement perturbée. Demain, on reviendra déjà à un temps plus calme. Le risque d'averses deviendra limité. Mercredi, quelques gouttes de bruine possibles sous quelques nuages bas. Et puis une fin de semaine qui s'annonce sèche. Les températures ne bougeront guère, puisqu'elles resteront comprises pendant toute la semaine entre 9 et 13 degrés. Merci d'écouter Vivacité. Bon début d'après-midi, il est 13h. Les ministres toujours occupés à travailler sur le budget 2017. Selon Didier Reynders, les chiffres sont pratiquement tous bouclés. Il ne reste plus grand-chose à trouver. Mais tous les ministres ne semblent pas exactement de cet avis. Le point dans un instant. Le Godessia, le bateau de la marine belge, parti de Zeebruges pour l'Afrique de l'Ouest. Une mission militaire, mais pas seulement. Les 95 marins s'occuperont aussi de formation en Afrique et ils amèneront du matériel humanitaire sur place. Sur du velours, les Diables ne devraient pas avoir trop de mal. Ce soir contre Gibraltar, match toujours dans le cadre de la qualification.